sur une route à trois voies, à double sens de circulation, deux dans ce sens, une en sens inverse. Ce panneau indique qu'à 400 mètres, il n'y aura plus qu'une voie dans ce sens. Deux voies de stockage ont été aménagées, l'une pour tourner à gauche, l'autre pour tourner à droite. Placé où je suis, je peux encore continuer tout droit, bien sûr, tourner à droite ou tourner à gauche. Je contrôle mes rétroviseurs, et pour le moment, personne ne circule sur la voie de gauche. Tout est donc permis. Réponse A et C.